Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 22 juin 2016 de Méloman. Et oui, première émission officielle de l'été. On a eu une très belle fin de semaine, entre autres. J'espère que vous en avez profité à votre goût. Et nous, ici à l'émission, eh bien, on revient de notre spécial années 90 de la semaine passée. Il y en a beaucoup qui se demandaient si c'était pour être un spécial alternatif, voire grunge, ce qui est souvent synonyme d'années 90. Eh bien non, il y a eu de l'alternatif un peu, mais on va y revenir à ça après avoir été du côté plus pop des choses pour une première fois. D'ailleurs, si vous avez manqué tout ça, que vous voulez des exclusivités, venez nous rejoindre sur Facebook. Groupe Méloman écrit en majuscule, c'est complètement gratuit. Et il y a aussi la page Facebook Méloman Radio, tout simplement. Bref, on revient à nos moutons. Il y a toute une émission qui nous attend ce soir, peut-être même quelques artistes qu'on a entendus la semaine passée. Mais surtout, en ce 22 juin 2016, on célèbre la fête nationale. Avant tout le monde, un beau Méloman Saint-Jean ce soir qui va passer par toute la gamme des émotions. Tantôt des enregistrements historiques, tantôt des petits plaisirs coupables, mais l'important, c'est qu'on a concocté un voyage qui, je l'espère, va vous surprendre par moments. Et on commence ça tout de suite, tout simplement, mais efficacement spécial, Saint-Jean-Baptiste, au 99.1 CFNJ. des vendeurs d'or, des exploiteurs endimanchés, distributeurs de cochonneries et de bonheur préfabriqués. Allez-vous-en au paradis, par notre tête pilon, chez moi, je t'en ai d'entendre vos conneries, vos saloperies, mes bons mentries, mes devoirs, vos yeux ambitionnés, crier au pire, j'ai réussi. Hostile, ici au moins, y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov et compagnie pour faire rouler l'économie. Puis si au moins, y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov et compagnie pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. Adorateur du tout profit. Pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. C'est moi le caméraman. Êtes-vous victime de quelque chose? Ta gueule, toi! Oui, leader. La caravane, madame, pour faire rouler l'économie. La caravane, madame, pour faire rouler l'économie. Ladies and gentlemen, after 1 year, after 2 years, John the Wolf. Rassemble Dieu, le Père et Bouddha et Krishna. Et elle va dans un même gymnase. C'est tout son gros sur le cœur. C'est pourquoi le meeting. En effet, en ce jour de 1000 ans après Christ, forcerait d'avouer leur échec. Les humains sont méchants et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crash pour du Bouddha, le Bouddha dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent de la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? La laideur chronique. Je pense à cette fille que j'ai vue à Macao, tellement moche et sans talent. À chaque fois qu'elle aimait, son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaille à l'intérieur. Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaille à l'intérieur. L'intérieur. Allez hop! Un peu de sincérité. Le monde a pleuré. Toujours contradictoire, je connais des hôtesses incapables de voir un frigidaire sans frémir d'angoisse. Honteux et défaitistes, ils traînent la nuit dans les salles à manger. Le jour rase les murs, ennemi des miroirs. Votre vue est sommaire et tant que Dieu le Père, savez-vous l'existence de ces familles de banques qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cette pénurie. Et cette pelouse affreuse, et après 20 ans de labeur fou, les enfants les quittent et plus jamais ne les aiment. Et plus jamais ne les aiment. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde a pleuré. Je vois pire encore de ce temps des Manitou, toujours en retard, répété à mort. Je vois le cortège des artistes ratés qui cherchent le thème à longueur de journée et se cassent la tête pour cette pauvre fille qui chantait des balades. Ah, cette pauvre fille pas trop belle qui chantait des balades. Ça défoule, tout va bien, les yeux pleurent, tout leur souffle sur l'acné. Je bénis les oreilles décollées, le parc, la fontaine. La retraite à poisson dans l'amour décevant. Les toilettes publiques et les rages dedans. Les toilettes publiques et les rages dedans. Je voudrais que je t'aillerais plus de l'effort qu'on peut voir pessimiste. Regarde leur santé, regarde leur pied, regarde leur pied. Mes dieux le père, toujours jovial, se ressaisit. J'ai ici messieurs dans mon sac un petit cordial. On me tirer des nouvelles, du loin qui distribue les valeurs. Là, c'est le vide, on a vu aussi le sac qui coule à flot. On a dit toi, tu passes les chiffres à du hachiche. Ah, ce motif. Et on vit dans le ciel, Dieu le Père et Bouddha Manitou et Krishna, bras dessus, bras dessous, il va voir les joyeux chanter à du tête au-dessus des nuages. Allez hop, avec sincérité, le monde a pleuré, avec sincérité. Et 88.9 CFNJ. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Que ce soit le métro ou l'expo, ou ses expos, n'oubliez pas la citadelle, aussi belle que la tour Eiffel. En devenant tout solidaire, on ne sera plus minoritaire. Pourquoi faut-il se faire la guerre, mes frères? Québécois, nous sommes Québécois, mais qui baissera faire si personne ne laisse ma faire. Un bleu ou un rouge, capitaliste ou communiste, moi je suis un idéaliste. Je crois qu'il faudrait que ça bouge. En devenant tout solidaire, on ne sera plus minoritaire. Pourquoi faut-il se faire la guerre, mes frères? Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec sera fait. Ne laisse pas faire. Qui est quoi? Nous sommes qui est quoi? Mais qui est-ce qu'on va faire? Si ne se laisse pas faire. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les cigogneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de pot de fesse, les totounes de la finance, les faux surpris de McGill, les pleurines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les vols à gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrettiers de la patrie dans les pawn shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les poclaires de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les prêteleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les Trudeau de Radio-Canada. Les basseux de sapin, les papineux de la trahison à crédit, les taches de graisse sur la conscience, de tous ces trous de cul, on a notre maudit tabarnak, de ces ciboires de Saint-Cram, de gériboires d'ostitosité, de sacrements d'étole, de crucifix de calvaire, de couleurés d'ardents voyages. Paranoïaque, rouspète, pipette, pipette de hache, ça c'est de la merde, décor les chips, pipette fume pas. Et moi je m'en crisse, fume ou fume pas, c'est le même problème, moi j'en ai pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, rocher percé, t'en souviens-tu? Il est toujours là, il bouge pas. Y'a rien qu'un œil, mais il te regarde, ça c'est moi. Oui, tu me vois pas, comprends-tu ça, comprends-tu ça? C'est comme ton nom, tu regardes, pensant que c'est toi, mais c'est pas toi. Ton nom te suit, suis-là dans pas. C'est ma bebelle, c'est notre bebelle, moi je m'en occupe, occupe-toi pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Il fait soleil, même si ça pleut, même si ça pète, même si ça tonne, ça m'étonne pas, moi j'ai la paix. Toi tu l'as pas, mais ça viendra, moi je me sens venir, puis je veux revenir. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? J'suis défriché, pas défroqué, en dessous de mes cheveux j'ai ma terre. Un Québec love, ça c'est mon bar. Faire quelque chose, oui ça presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pis les états, c'est ta personne, c'est ta babelle. C'est moi notre bebelle qui se l'arrache, puis moi je m'en sac. Moi j'ai mon arche, arche de Noé, oui Noël, tremblez, ça c'est à nous autres. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Y'en a plus de Christ, y'a plus de Christmas, qui se l'arrache leur Santa Claus, de chez Simpson, puis chez Eaton. Moi je me contente de du puits frais, moi je me contente au maire de serre. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pacifique plante, crunch les Anglais, pacifiquement, si c'est possible, si c'est possible, pacifiquement. Si ça l'est pas, donne-moi un gun, donne-moi un gun, moi je m'en occupe. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? pour une scène ou deux, c'est pas drôle dans la rue. Quand il faut dormir dans les fonds de ruelle, ça peut pas être pire, rien dans le fond de l'écuelle, peux-tu t'en sortir? Si tous les poignets dans leur petite misère se disaient calvaire, il est temps d'arrêter, ça irait bien mieux. Un coup de pied dans le cul, ça peut réveiller, quand personne ne sait plus pourquoi travailler, c'est donc toujours là. J'écoute m'en aller quelque part, je vous laisse à quelqu'un. Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. Je vois ça être bien chez moi. Ça comme mange d'eau. Laisse-moi donc tranquille la soirée. Broyer comme il faut. T'as perdu ta job, tu sais plus où te mettre. T'as pas l'air, mais ça, roi de taverne de fête. Comment va ta vie? Dépêche-toi, bonhomme, sors vite de ta crasse. Prouve donc t'es un homme, puis trouve-toi une place. T'as plus tellement de temps, mais y'a rien à faire, les patrons te veulent plus. Au plus cher, t'es tenu la rue, t'es un gars fini. La maudite machine qui t'a avalé, à marche en colline. Faudrait la casser, faudrait la casser. J'ai le goût de m'en aller quelque part, je vous laisse à quelqu'un. Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être fait chez moi. Ça qu'on mange le dos. Laisse-moi l'entrain qui la soit. Broyer comme il faut. J'en ai pas envie. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Là-bas, la terre est plate, elle est pas ronde, plate comme la vie. J'étais parti pour 5 jours à peine, c'est pas tellement long, mais sais-tu combien ça peut faire de secondes, c'est pas loin du million. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Là-bas, la terre est plate, elle est pas ronde, plate comme la vie. En avion, ça fait 1 800 000, c'est pas tellement loin, mais 1 800 000 entre mes lèvres et les tiennes, c'est un bon bout de chemin. pas envie. La radio est toute américaine, un peu comme chez nous, mais au moins chez nous t'as de temps en temps la voix de René Claude et Vigneault. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Là-bas la terre est plate, elle est pas ronde, plate comme la vie. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Les filles sont noires, sont brunes, sont blondes, mais j'en ai pas envie. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Là-bas la terre est plate, elle est pas ronde, plate comme la vie. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et je pense que ça vous donne une petite idée de ce que ça va avoir là ce soir, chers amis, en ce spécial Saint-Jean-Baptiste Fête Nationale. De mélomanes, on va évidemment entendre beaucoup de classiques ce soir. D'ailleurs, un petit hommage en passant à M. Pierre Lalonde, qui est décédé hier à 75 ans. On a entendu « À Winnipeg » de 1974, une chanson de Stéphane Venn. Mais sinon, des classiques comme « La maudite machine d'octobre », groupe de Pierre Flynn, qu'on a bien failli entendre dans notre spécial rock progressif il y a deux semaines. Mais que voulez-vous, comme disait M. Chrétien lors de la nuit des longs couteaux, le temps nous a fait défaut ce soir-là, donc on disait octobre, la maudite machine de 1973, qui suivait la même année, Mme Louise Forestier avec une pièce très spéciale qui se nomme Les Montréalais. Louise Forestier qui, on s'en souvient, fut précurseur dans tout ce qui est hybride, musique traditionnelle et rock, très populaire à l'époque d'ailleurs. Je suis d'avis qu'on devrait lui donner un peu plus de crédit à Mme Forestier. Et c'était précédé sans surprise, mais avec toujours autant de plaisir de son acolyte de toujours, Robert Charlebois, avec de façon tout à fait appropriée, Québec Love 1969, sur un texte, et ça, c'est pas tout le monde qui le sait, du comédien Daniel Gadois, qu'on a vu dans une foule de films et de téléromans. Et là, on parle du film culte L'Initiation, le fameux sitcom du tac au tac. C'est lui qui faisait Lionel dans Le Temps d'une paix, Ouattatatar, Girls Bar Blues, jusqu'à dans une Unité 9. Bref, c'est sûr que vous le connaissez. C'est bien juste parce que je peux pas vous montrer une photo. Donc, Daniel Gadois, et c'est lui qui a écrit le texte du fameux Québec Love, qui suivait une version complètement pétée de Québécois de la Révolution française en 69, groupe né des cendres des Sinners, mais une version à laquelle on a ajouté la prose de Gérald Godin, écrivain, journaliste, poète, homme politique et partenaire de vie de Pauline Julien, entre autres. Un texte qui, ma foi, se prête assez bien aux besoins de la cause ce soir, surtout considérant que ça suivait un extrait du fameux discours du général Charles de Gaulle en 67. Et tout ça, les amis, qui a débuté avec deux classiques plus récents, Jean Leloup avec Le Monde est à pleurer de 96, précédé deux ans plus tard des Colocs et Colocs. Bien sûr, avec PC au moins. Et nous, on y retourne avec une pièce, imaginez-vous, d'octobre 1970. On écoute PAG au 99.1 CFNJ. Je crois me vivre libre. habitants de l'île d'Orléans philosophaient avec le vent, les petits oiseaux et la forêt. Le soir venu à ses enfants, il racontait ce qu'il avait appris là-haut sur les galets. Un beau matin, comme dans son champ près du marais, avec son chien en sifflotant, il s'engageait. Deux hommes armés à collet blanc lui touchent le dos, très galamment en s'excusant, lui lit ces mots. Monsieur, monsieur, vous êtes sous arrêt, parce que vous philosophez. Suivez, monsieur, en prison vous venez. Pour philosopher, apprenez qu'il faut d'abord la permission, des signatures et des raisons, un diplôme d'au moins une maison spécialisée. Petit Jean Latour à bicyclette un soir de mai se dirigeait le cœur en fête chez son aimé. Et il chantait à plein poumon une chanson bien connue dans les maisons de publication. Mais deux zélés de tout à l'heure passant par là entendent chanter l'homme dont le cœur gaiement s'en va. Sortent leur fusil, le mettent en joue sans hésiter et lui commence ce discours pas très sensé. Petit Jean, petit Jean, te voilà bien mal pris, parce que tu chantes sans permis. As-tu ta carte? Fais-tu partie de la charte? Tu vois bien mon petit Jean Latour, faut que tu comparaisses à la cour. Apprends que pour devenir artiste, faut d'abord passer par la liste des approuvés. Et en prison, petit Jean Latour et l'habitant sont enfermés à double tour pendant 2 ans. Puis quand enfin l'autorité les libéra, écoutez bien, mesdames, messieurs, ce qu'elle trouva. Un homme savant et un compositeur, heureux, grands et seigneurs, on les pria d'accepter des honneurs. Mais l'habitant en rigolant s'enfuit en courant dans son champ, pendant qu'à bicyclette Tigean reprit sa route en chantonnant tout comme avant. À crouser des femmes légères qui se foutaient le cafard dans les bars, à faire l'amour à un micro en faisant semblant de faire l'amour. Je vais manger un hot dog samé, prendre un dernier verre chez Pedro. Les accrochages de Mercedes, paraît que ça coûte la peau des fesses. Viens, on s'en va foirer dans l'ouest. Tu ressembles à mon dernier chagrin. C'était l'époque des gogos. Oh, oh, oh, oh. Femme ou fille, femme ou fille, j'ai jamais dragué dans le métro, j'avais peur de tomber en amour. Prenais l'avion comme un taxi. Ce que je fuyais, je l'avais en dedans de moi. Ça a pris du temps, mais c'est sorti. Oui, oui. Chez les comtesses ou chez mes chums, c'est pareil, je suis resté un bum. Toujours un peu poète, même si ça rime avec tapette. J'ai jamais eu rien contre ça. Ça faisait juste plus de femmes pour moi. Aïe, viens. Femme ou fille. Femme ou fille. Je les regardais dans la brume comme des petits soleils du matin. J'oubliais la ville où j'étais. J'étais et ça me suffisait. C'est peut-être une vie de popstar, mais je fuyais les pop soccer. On vit ce qu'on peut dans le brouillard. C'est pas pire, mais surtout pas mieux. Femme ou fille. Femme ou fille. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Pas de tabac, me reste tranquille, m'a payé mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'a la prendre pour le vrai. Quand j'vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'a mettre des bobettes, m'a lire la gazette, m'a checker les sports, m'a compter les morts, m'a passé mon check-up, m'a va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, m'a m'forcé en ciboire. Quand j'vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, j'vais avoir l'esprit d'équipe, impliqué tout le kit, m'a crampé en masse, m'a m'taillé une place. Quand j'vois des bons gars, m'a gravi les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop mistédé, ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand ouais des bons gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, à menza, m'en en mettre. M'en m'en déboucher une fois n'est pas coutume. Ah là, tout le monde va se mettre, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TPK, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit c'est dehors, m'a sauté dans mon char, m'a descendre à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendre en enfer. M'a flobé ma paye, m'a allé vendre des bouteilles, m'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal, m'a viré sur le top, pas de cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front, elle va dire oh, enfin un bon gars. Abre ça, m'a ouais des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille, m'a payé mes billes, m'a va prendre l'anglais, m'a la prendre pour le vrai. Oh, sport, smart and blood. Ils vont m'aimer en Hérode, excellent citoyen, pas parfait, mais pas loin, m'a mangé du poisson, m'en va faire du ski de fond, m'a m'acheter des records de Michel Rivard, m'a faire semblant que c'est intéressant quand ouais, des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. Régent Peson disait souvent qu'il n'avait pas trop pour longtemps. Pauvre Régent, il posait des vis. J'enlève toutes les vis que j'ai posées, je suis sûr que la bâtisse va tomber. Vice et vice versa, tombe, tombe cette bâtisse-là, mais tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Armand Bélanger, paysan, il était décidé depuis longtemps, pauvre Armand. Je m'en vais labourer le parlement, peut-être me ravoir mon argent, maudit argent. Vierge, vierge, vierge d'argent, tout ce qu'ils veulent, c'est que je fasse un encan. Vice et vice versa, tombe, tombe cette bâtisse-là, mais tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Sylvie Légaré, ménagère, avait pu faire des petits toute sa vie, pauvre Sylvie. Ou ben tu deviens secrétaire, ou ben tu prends soin de ton mari qu'on lui a dit. Mais lave, lave ces enfants-là, torche, torche ce plancher-là, torche, torche ce mari-là. Et n'oublie pas que dans ta maison, c'est l'homme qui est maître. Guy la liberté prisonnier, paraît qu'il aurait fait des folies, c'est pas permis. Comme il n'est pas fils de député, ils peuvent bien enfermer toute sa vie, pauvre Tsigui. Pour protéger la société, on va l'empêcher d'être aimé. C'est pour le réhabiliter que sa femme a pris le droit de l'embrasser. Mais saute, saute, mon chien, ça va. Brasse, brasse, brasse tes dents. Pleure, pleure pas trop souvent. Quand tu seras bon, mais trop bon garçon, tu seras libre. Richard, ma Sylvie, c'est Guy, rien que changer dans leur vie. Toutes les quatre. Chacun le côté ont gueulé, maintenant y'a une chose qu'ils ont compris. C'est que chiale, chiale tant que tu voudras. Mais quand c'est voilà ce que tu pourras. Rêve, rêve tant que tu voudras. Tant qu'on sera seul dans nos maisons, on sera pas maître. Mais saute, saute, mon chien, ça va. Brasse, brasse, brasse tes dents. Pleure, pleure, pas trop souvent. Mais lave, lave ces enfants-là. Torche, torche ce plancher-là. Torche, torche ce mari-là. Vierge, vierge, vierge d'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je fasse un encan. Vissé, vissé, vissé, vers ça. Tombe, tombe cette bâtisse-là. Tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Et toujours en plein mélomane spécial Saint-Jean-Baptiste au 99.1 et 88.9 CFNJ en ce 22 juin, veille du début des festivités de la fête nationale dans plusieurs municipalités. Et nul autre que Paul Piché qu'on vient d'entendre en 1977 avec la très évocatrice Régent Pesant qui nous mêle ça avec Cadet Roussel. Ça nous vient de son tout premier album dont on avait déjà parlé à l'émission À qui appartient le beau temps, sur lequel, en plus de retrouver la plupart des premiers gros hits de Paul Piché, coudonc, ce soir chez Anglophone, ironiquement, en cette Saint-Jean, on peut aussi retrouver le tout Montréal de la musique, presque tous les groupes Beau Dommage, mis à part Marie-Michel Desrosiers, si je ne me trompe pas, Serge Fiori, etc. Donc, la crème de la crème. Et sinon, une foule de classiques pour l'occasion, Richard Desjardins avec Le Bon Gars de 1990, qui suivait ce cher Plume La Traverse avec la bienséance, un 45 tours de 76, mais qu'on pouvait déjà entendre sur l'excellent Pomme de route de 75. Facilement un de ses meilleurs longs jeux que je vous conseille, enregistré avec Stephen Faulkner, alias Cassonade. On a aussi entendu Claude Dubois avec, bien sûr, Femme ou fille de 1982 qui nous vient de Sortie du bois et qui était précédé par le roi de la fête, le père de la chanson québécoise, Félix avec Contumace de 1951 quand même. Contumace, qui est un mot en passant qui veut dire une condamnation faite par un juge en l'absence du condamné, qui se trouve en fuite à ce moment-là. On en apprend tous les jours. Et tout ça amorcé par le gros rock de Michel Pagliaro avec J'ai marché pour une nation, sorti, comme on disait, en octobre 70. Une période assez mouvementée, merci, au Québec, disons. Et nous, on change de registre un peu pour tranquillement y aller de trucs un peu plus récents dans la seconde partie du bloc, mais toujours des classiques en ce mélomane spécial Saint-Jean au 99.1 CFNJ. Ça fait longtemps que j'ai compris.

con. Quand je serai parti, je sais tu me chercheras dans ton lit. Si tu fais pas attention, je sors de ta vie. centre et sud de la Naudière, quelques averses pour les prochaines heures. Dégagement cette nuit, un minimum de 11 degrés. Jeudi, ensoleillé, devenant alternance de soleil et de nuages. 40% de probabilité d'averses en après-midi. Maximum 24. Et vendredi, fête nationale. Maximum de 27 avec du soleil. Les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, quelques averses pour les prochaines heures. Ça va se dégager cette nuit, minimum de 6 seulement. Jeudi, ensoleillé le matin. Alternance de soleil et de nuages et 30% de probabilité d'averses en après-midi. Maximum 24. Et ensoleillé pour la fête nationale vendredi, maximum de 27. CFNJ 99 à 89. Mon quartier de banlieue, il y avait de l'action en torieux. Quand on était morveux, on jouait à cachette, c'est terrain des voisins. T'es caché pas mal longtemps dans un avec la petite charpente. Il faisait pas beau, y'avait sous-sol à Guilbeau. On allait jouer au Colico. Les petits gars capotaient, c'est G.I. Joe. Et sur la sœur à la vallée, parce qu'elle en avait des gros. Et quand le soleil sortait derrière les nuages, ça s'animait partout dans le voisinage. On entendait les snapshots ses portes de garage dégueuler la mer à le pas. Le quartier s'est dispersé, on a vieilli, on s'est fait des nouveaux amis, eu les premières blondes, mais c'était pas trop stédé. C'est Dédé qui était le premier son permis dans son Volkswagen. On écoutait du Led Zeppelin avec toute notre vie en avant. Mais par un esti de soir vers la fin du printemps, après un party d'été, c'est tué, il s'est endormi au volant. Je vais toujours me rappeler de cette soirée-là. Les Canadiens venaient de gagner la Coupe Stanley. On est tous tombés main bas. J'ai lâché le cégep en janvier. Et arrivé au bon moment, sorti nowhere, un peu comme une fleur qui pousse dans le ciment. En dessous des spots oranges du parc Champigny, c'est là que pour la première fois on s'est donné un gros bis. J'pense que c'était le plus beau jour de ma vie. Après ça j't'ai payé lunch au Kentucky. J'suis allé te reconduire avec le torse bombé. Que ce soir-là, j'ai bien dormi. J'ai eu des bons moments, mais le bonheur, ça avait l'air que ça dure rien qu'un temps. Parce qu'une fois, quand je me suis pointé chez toi, je suis revenu comme un boxeur qui venait manger une volée, assis à table à pique-nique. Tu m'as dit que t'en avais assez. T'avais même un nouveau kick. Je suis reparti en marchant sans me retourner. Dans ton drive, oui, je me suis retenu pour pas partir à broyer. C'est comme si t'avais pris une paire de cutters, puis que t'avais coupé le cordon de mon cœur. Je me suis dévasté pendant une couple de semaines. Faut bien qu'un gars ravale sa peine. Par la porte en arrière, dans ma banlieue, la nuit est belle, puis y a de l'espoir.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ Et on essaye de se faire une belle sélection comme ça ce soir pour souligner la fête nationale qui est à nos portes. Comme je disais, deuxième partie du bloc un peu plus récente. Mais il faut le dire vite parce que le temps passe quand même rapidement. 2009 pour Malajube qu'on vient d'entendre avec Luna, qu'on va dédier pour les besoins de la cause ce soir à la fille, la petite fille d'une auditrice Zaza qui nous écoute en ce moment, qui suivait Vincent Vallière avec un petit bijou qui a déjà 10 ans, la pièce titre de son album Le Repère Tranquille, qui elle, que je vais dédier à mon épouse, ma tendre bien-aimée Geneviève. De 2006, la chanson Repère Tranquille, qui est selon moi non seulement un genre de prototype, mais aussi une chanson que je trouve grandement supérieure à On va s'aimer encore. Mais là, écoutez, c'est une question de goût, on partira pas de débat, mais j'espère quand même vous l'avoir fait découvrir si vous la connaissiez pas. Sinon, les Cowboys fringants que vous connaissiez évidemment, mais sait-on jamais, vous connaissiez peut-être pas cette chanson-là, Banlieue, un classique de leur répertoire qui nous vient de Motel Capri. Pas mal le premier album officiel sorti en 2000, il y a déjà 16 ans de ça. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on dit que le temps passe vite. Mais quand même, c'est tout à fait récent si on compare ça à Fais attention de Gilles Valiquette, 1974, qui suivait une chanson du même nom. Il y a des petits clins d'œil pour ceux qui sont attentifs des fois. Fais attention encore une fois, mais des bébés bien sûr qu'on a entendu dans notre spécial 90 de la semaine passée. Une chanson, Fais attention, de 1989, qui en suivait une autre de 1990, un an plus tard, Les Vilains Pingouins avec Le Train. Pas mal leur plus gros succès en carrière. Donc, on a de la musique de tous les horizons ce soir, en autant que ça soit québécois, comme dirait l'autre. Et d'ailleurs, il faut rester ouvert d'esprit pour la prochaine. De toute façon, faites-vous-en pas, on va prendre une tangente, un virage là, aux sonorités presque country après. Donc, on y va pour commencer d'un petit hommage à Félix avec le groupe Groovy Aardvark qui viennent de faire le Metropolis et qui, en 96, sont accompagnés de Marc Vaillancourt du groupe Barf à la voix qu'on vient d'ailleurs de voir Barf aux Francofolies et qui fêtent leur 30e anniversaire, tout comme Groovy, qu'on écoute à l'instant au 99.1 CFNJ. Un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mais voilà, vous oubliez, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne riez point, je vais mourir que malade. Je me ferai une petite en estomie, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Le petit bonheur, je l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens dans ma maison. Alors le petit bonheur, il a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours et nuits vont mal, mon deuil me fait de plus oublier. La vie de l'étoilé, j'avais des coups de la commencer. Quand il devait le voir, mes amis me faisaient la peine. Venez voir le petit bonheur et je disais, c'est toi ma reine. Le paradis, ça voyait sur mon front. Oh, un matin joli, que si c'est un reflet. Mon bonheur est parti, ça me donnait la main. J'ai voulu publier le cas, je l'ai dit par les fers. J'ai montré le grand bout qui me faisait de fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête, autre joie sans peine. S'il ne pouvait plus voir le soleil à la demeure. J'ai bien pensé mourir, chagrin d'ennui. J'avais cessé de vivre, c'était toujours la nuit. Il me reste l'ennui, il me reste le mépris. Enfin que je me suis. bien je me ferme les yeux. J'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux qui tremble à ton nom comme un tremblefeuille à brise d'automne. Et chanson d'hiver, si mire le temps, si meurt et si cueille mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux, des milliers de pas, sans bruit, sans parade, vers on ne sait où. Et les doigts du vent des saisons entières y ont dessiné, comme sur nos fronts, les vagues du jour, fendues des croisières, des beaux naufragés que nous y ferons. J'ai pour toi défait, mais refait sans cesse, les mille châteaux d'un nuage aimé qui pour ma princesse se ferait bateau, se ferait pommier, se ferait couronne, se ferait panier plein de fruits vermeils, et moi je serai celui qui te donne la terre et la lune avec le soleil. J'ai pour toi l'amour quelque part au monde, ne le laisse pas se perdre à la ronde. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Quand on s'est rencontrés, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait ce que tu voulais, il faisait dur, mais tu l'aimais. En toute franchise, je pouvais pas t'en promettre plus, j'espérais qu'une aventure fasse l'affaire. Quand je t'ai parlé une première fois, je te disais tout ce qui me semblait être efficace. Tous les clichés y ont goûté, chacun leur tour. Soudain, je me suis retrouvé seul avec ma bière. Oh non, j'espère qu'ils vendent la bière. Au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Parler une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais tout aussi invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. J't'ai dit que tu tentais, j't'ai dit que je te désirais encore une fois. J'étais seul avec ma bière. J'espère qu'il va m'appeler au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'il va m'appeler au ciel, oh yeah. Thank you. Et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais moi j'ai le hockey. Tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. Je n'aurais jamais dû caler ma dernière bière. Oh, j'espère qu'il vend la bière au ciel. Je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'il vend la bière au ciel, la score. J'espère qu'il vend la bière au ciel. Je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'il vend de la bière. Hey, j'espère qu'il vend de la bière. Ouh, j'espère qu'il vend de la bière. Oh, oh, oh, oh, ciel. C'était Jean-Claude Tremblay. Je regardais tous les matchs à TV entre mon père pis le cavalier. Quand ils sont venus contre Andemain, je jouais pour les juniors de Rouen. J'avais pas le meilleur coup de patin, mais je travaillais fort. J'étais jeune pis j'avais peur de rien. J'ai signé pour les Canadiens. Tu venais me voir jouer presque tout le temps, mais je vois pas souvent, je réchauffe le vent. Tu rêvais d'avoir des enfants. Je t'ai marié en deux coupes Stanley, pour le meilleur et pour le pire. T'allais devenir veuve du hockey. Les enfants se dépêchaient de souper pour voir leur père. En espérant le voir compter, d'octobre aux éliminatoires, tu as levé une patinoire. Je traversais les États sans y croire. Je pense plus rien qu'à mes genoux. J'ai tout le temps peur au mauvais coup. Le monde commence à me crier chou. École, les enfants se font niaiser. C'est dur pour eux autres comme pour moi. Leur père sera jamais comme Vendée. Débarqué, je les ai accrochés. Ouais. Et t'es plus une veuve du hockey. Mais j'ai changé, c'était pas pour moi. À Sarge, une taverne dans Villeray. Des fois, j'aimerais le dire à TV. Ce que c'est pour vrai jouer au hockey. est-ce que c'est pour vrai jouer au hockey? CFNJ. J'avais 13 ans. Deux rues, trois amis, une guitare, tout mon temps. Des grands rêves, un journal, une peine d'amour. Des jeans patchés, un signe de peace en velours. Souvenirs retrouvés. Sur la joue, un voyage sur le pouce, un trip à Katmandou. À Woodstock, ils ont arrêté la pluie. Le Vietnam éternel. Leur mot résonne et on les chante encore. Les mêmes chants s'éveillent en nous. La force qu'il fallait pour se tenir debout. Une fleur dans un fusil peut tout changer. Des airs d'amnistie chantés par. En 69, j'avais 13 ans. Deux rues, trois amis, une guitare, tout mon temps. Des grands rêves, un journal, une peine d'amour. Des jeans patchés, un signe de peace en votre vie en habits du dimanche et en souliers vernis. Il connaît par cœur vos allées, vos venues. Il vous voit de loin, vous l'avez jamais vu. Il se tient dans les bars du centre-ville ou dans le creux de la banlieue. Il se tient partout. Il se tient partout. Il vous guette en attendant le bon moment pour vous frapper.

de vent vivant, fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet de l'air. America, America, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je l'achète. Caligula, c'est légionnaire, ton président, c'est millionnaire, son pendu au ma mémoire de titan, mémoire de titan. Ça fait longtemps que je t'attends. Oh Gringo, viens-t'en, viens-t'en. Allez Gringo, que Dieu te blesse. Dormait dans son verso, les chèvres buvaient au Rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort. Crie le fret et les barbares. Merci, bonsoir. À la basse, Rémi Perron. À la batterie, Richard Perrotte. Au saxophone, flûte, guitare et percussion, Claude Vendette. À la guitare solo, Francis Grandmont. Et bien sûr, à la guitare et la voix, composition de texte et musique, Richard Desjardins. Au sein d'Abitibi, qu'on vient d'entendre en ce spécial Saint-Jean de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Avec un vrai de vrai chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre mot, c'est selon moi la pièce maîtresse ce soir. À mon goût, à moi, les Yankees, qu'on a entendu ici en version live par Abitibi, enregistré au vieux clocher de Magog en 1995, mais qui nous vient originalement du tout premier album Les Derniers Humains de Richard Desjardins, poète gigantesque de la province de qui on peut s'enorgueillir sans retenue. Et sinon, comme on disait, une petite tangente country, ou du moins des sonorités country, avec le premier single de la carrière solo de Michel Rivard, un petit clin d'œil. On va acheter des records de Michel Rivard, on va faire semblant que c'est intéressant. Que Richard Desjardins nous disait à la blague. Donc, Michel Rivard en 1977, avec un tout juste sorti de Beau Dommage avec Méfiez-vous du grand amour, qui suivait la très talentueuse Francine Raymond, qui, il ne faut pas oublier, est de plein de belles chansons avec la très nostalgique Souvenir retrouvé de 1989. Et juste avant ça, une chanson de Pierre Bertrand au sein de Beau Dommage, le groupe cette fois-ci Hockey. Qui peut pas faire plus québécoise parce qu'elle nous parle d'hockey, sortie sur Passager de 1977, mais sortie en 45 tours en 78. Et sinon, Jim Corcoran, quoi de plus beau qu'un anglophone francophile avec de la bière au ciel de 1996. Bière que je vous encourage de boire avec modération si vous fêtez demain. Très bon guitariste, très bon contrebassiste sur cette chanson. J'ai oublié d'aller vérifier leur nom, mais des virtuoses. Et sinon, on avait un classique de Gilles Vigneault avec « J'ai pour toi un lac » en 1962, qui suivait de manière tout à fait improbable « Groovy Aardvark » avec Marc Vaillancourt de Barf. Et nous, eh bien, on poursuit notre spécial de la fête nationale en ce 22 juin au 99.1 CFNJ. I'll turn into a prince suddenly. Donne-moi des peanuts, je m'en vais te chanter Alouette sans fausse note. 7 heures et quand t'embarques dans le tube.

c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau et un grand-père au regard bleu. Qu'on dit dans les capitales, l'œil vers le golfe ou Montréal, guette le signal. Pour célébrer l'indépendance, quand on y pense, c'est-tu en France, c'est comme en France. Encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? Des souvenirs encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineux, Duvigée, Putain de la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu rue Sanguinette, adieu mon coin vitré. Mais ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Ah, 88.9. centre et sud de la Naudière, quelques averses pour les prochaines heures. Dégagement cette nuit, un minimum de 11 degrés. Jeudi, ensoleillé, devenant alternance de soleil et de nuages. 40% de probabilité d'averses en après-midi. Maximum 24. Et vendredi, fête nationale. Maximum de 27 avec du soleil. Les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, quelques averses pour les prochaines heures. Ça va se dégager cette nuit, minimum de 6 seulement. Jeudi, ensoleillé le matin. Alternance de soleil et de nuages et 30% de probabilité d'averses en après-midi. Maximum 24. Et ensoleillé pour la fête nationale vendredi, maximum de 27. CFNJ 99A 89. Ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Et il paraît qu'elle a des gales sur ses jambes et qu'elle les donnerait à manger à ses 70 chats pour qu'ils vivent éternellement. C'est écœurant. Marie-Louise, la vieille femme du village, est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Il paraît comme ses chats et ses féroces et ses voraces. La nuit, il faut que l'enfant danse une cage de brasse. Il paraît que c'est un énorme matou. Quand il est en diable, il saute au corps, il saute au cou. Il peut griffer jusqu'à la mort. Celui qui ose aventurer près du décor de Marie-Louise. La vieille femme des moulins a fait flacoter ses voisins. Mais moi, c'est le curé qui me l'a conté. Il y a tellement de oui tire sur Marie-Louise. Il paraît aussi que ça sent le pipi, pis vieux vomi. Quand elle t'arrête, t'as demandé qu'elle a un coup de feuille. Il paraît. Qu'elle mange de la bouffe pour les chats et puis qu'elle est pareille à des sorcières en pamperluche. Petite hutte, patte de poule, cours petite, cours petite, cours, cours, cours. Marie-Louise, pour la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va-t-on savoir l'histoire de que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés sur ceux d'avant. Il paraît quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils l'ont pogné, ils l'ont trempé dans le mazout comme une vieille poêle enduite de clope. Oh oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu l'homme. Sa carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise, curé qui me l'a conté, va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise. We'll be right back. ciel à soir, y'a pas grand chose, y'a rien à voir. Y'a rien à voir, y'a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans ce soir? Elle veut pas rester sous mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Mon truc, c'est donc la grosse misère. Cache poignée pour m'ennuyer. C'est pas parce que je suis un mammifère, puis j'ai 100 jours même en hiver. J'ai pas besoin de calories vertes, j'ai pas besoin de m'amuser. Tout en faisant pour tout mon air, passer les tests pour m'orienter. J'avais pensé le vocabulaire, on m'a dit que je pourrais pas chanter. Faut dire que je devienne militaire, un dromadaire, un marquillé. Un missionnaire impopulaire, avec des médailles, la vie bronzée. Alibla-da, alibla-da, alibla-alibla-alibla-da, alibla-da, alibla-da, alibla-alibla-alibla-da. En ce temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien écœuré de m'assurer. Je pense qu'en devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Oui, y'a des problèmes partout sur la terre. Il faut que je commence à m'en occuper. Là, je passe toutes sortes de questionnaires pour savoir ce que c'est qu'un ouvrier. Et si ça marche pas, je boirai de la bière. Je boirai assez pour me saouler. J'aurai un révolutionnaire qui boit un peu pour s'opposer à tout instrument, mes pépédaires. Et puis en voyant le monde à l'envers, au moins malheureux de toute manière. Là, viens me faire de l'eau du guerre. Oh, y'a pas grand chose à s'y asseoir. Y'a pas grand chose, y'a rien à voir. Y'a rien à voir, y'a pas de lumière. Qu'est-ce que tu vas faire, va t'y asseoir. Tu peux rester sous mon trottoir. Je vais aller dans tes amis crier. Mon truc c'est donc la grosse misère. Quand je poignais pour m'ennuyer. Dibla-da, la dibla-da. La dibla, dibla, dibla-da. La dibla-da, la dibla-da. La dibla, dibla, dibla-da. Dibla-da, la dibla-da. La dibla, dibla, dibla-da. La dibla-da, la dibla-da. La dibla, dibla, dibla-da. Dibla-da, la dibla-da. La dibla, dibla, dibla-da. La dibla-da. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité. Dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux. Pourtant moi je sais que ce n'est qu'un rêve. Pourquoi faut-il que je ne sois qu'un rêve? J'entends déjà son alléluia, alléluia. 99.1 et 88.9 CFNJ. J'ai pensé à toi il y a longtemps déjà, qu'on n'a pas fêté ensemble. Je suis toujours le même, on n'a pas changé. J'ai pensé à toi depuis un moment, je me sens bien étranger. Les gens sont les mêmes, on n'a pas changé. regarde. Je me sens bien étranger. Les gens sont les mêmes. On n'a pas changé. J'ai pensé à toi et même un peu plus. J'ai rêvé d'une journée. Le grand jour de fête. On n'a pas changé. Harmonium qu'on vient d'entendre en 74 avec 100 000 raisons, face B du 45 tours de Pour un instant. Et oui, on est comme ça à Méloman, spécial Saint-Jean ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ. On a aussi entendu Claude Léveillé, de qui j'ai eu la chance de signer le livre d'art comme plusieurs autres personnes à son décès. Monsieur Léveillé, qui était exposé à la Place des Arts, quand j'avais été voir un concert de Brian Wilson des Beach Boys. Bref, une grande, mais brève pièce de 1962, La légende du cheval blanc, qui suivait Kermesse avec leur fameuse reprise de « Il n'y avait pas grand-chose dans le ciel à soir » de Paul Piché, une reprise de 1999. Kermesse qui, d'ailleurs, vont être à la Saint-Jean du Rockfest demain, en fait. On a aussi entendu Marc Derry au sein de son magnifique groupe Zébulon en 94 avec l'exquise Marie-Louise, qui était loin d'être exquise, en fait, si vous avez écouté les paroles. Et sinon, trois classiques, Claude Dubois au tout début de sa carrière en 66 avec l'intemporel « J'ai souvenir encore ». Un classique aussi déguisé en magnifique reprise du Tour de l'île de Félix par Carquois en 2008. Louis-Jean Cormier qui va d'ailleurs être des festivités cette année à Joliette, encore une fois demain soir. Et tout ça qui avait commencé en 76 avec The Frog Song, un passage obligé de la Saint-Jean, qu'on commence à fêter ce soir au 99.1 CFNJ. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Il m'a invité chez eux, fin épluchette de banane. Il y avait ses chums, sa femme, leur soeur pis le frère. Du ben beau monde à voir. J'ai bu du rhum, j'ai presque tombé d'un bambin. Yo yo yo yo. Il m'a dit, fais-toi-en pas si tu sais pas.

d'un déguisé en sale. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. On parlait des poteaux de téléphone, on chantait sur des airs de pompiers. C'est pas ma faute, c'est mon, c'est tous tes pieds. C'est bien le fun, c'est bien le fun, c'est bien le fun. Aujourd'hui, je me décide à sortir mon page. Il est cool, il est cool, il est cool. Aujourd'hui, je me décide à chanter sur un page. Il est cool, il est cool, il est cool. Va chanter à télévision. Je m'en vais me rendre en première position. Je vais répondre à toutes vos questions. Que c'est belle fun, c'est belle fun, c'est belle fun. Un blowman. Aujourd'hui, je me décide à patcher mes vieilles jeans. Aujourd'hui, faut que je m'arrange pour avoir de l'air trop clean. Va chanter à télévision. J'm'en vais me rendre en première position. Et j'vais répondre à toutes vos questions. Que c'est belle fun, c'est belle fun, c'est belle fun. C'est belle fun, c'est belle fun, c'est belle fun. Je suis cool, je suis cool, je suis cool à ça. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Sans doute sur une autre planète où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de paix ni de loi. Où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de paix. Je suis quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près ni de loin. L'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près. quoi qu'il en pense, on n'a pas accès, ni de près, ni de loin. Assis en avant, là. Oui, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il y en a dans la gang qui se rappelle que l'année passée, on avait promis de parler français seulement pendant un an? Est-ce qu'il y en a-tu qui ont manqué à leur serment? Oui, il y en a! Menteur! J'en ai vu un après-midi, ici même. Remarque qu'il s'en apercevait même pas, qu'il parle anglais. Il dit à l'autre, il dit « Watch mon bike, mon petit chick, mon kid. » Moi-même, j'ai manqué à mon serment. Mais pas souvent. 200 ou 300 fois. Par jour. Non, mais c'est pas de ma faute. Parce que c'était l'année de la femme. C'est de leur faute à eux autres! Comment veux-tu faire un homme de toi l'année de la femme? Moi, j'ai perdu tous mes privilèges d'homme. Aujourd'hui, c'est ma femme qui porte les paquets, elle m'ouvre les portes, puis avant de partir pour travailler le matin, elle me laisse l'argent pour que j'aille magasiner. C'est dur pour un homme, ça. En plus de ça, on va vous dire qu'il y en a des maudits paquets qui sont ici ce soir, qu'ils ont été obligés de briser leur serment tous les jours. Tous les contrôleurs aériens. Déjà. Toute la gang qui travaille pour Air Canada. Tous les gars qui travaillent pour les grosses compagnies américaines comme il y a US Chemical, US Steamship, US Chevogui, puis US Chevogua. Avec tous ces US-là, me demande US qu'on s'en va. On s'en va sans bombe! Tout ce monde-là qui a manqué les promesses, ça prouve que ça donne l'indication du Québec d'aujourd'hui, un Québec faible et mou. Au moins, si on pouvait compter sur une jeunesse vigoureuse. Fais-moi ça, cette gang-là, tout écrasé. Les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes sont tellement faibles qu'à partir du mois de mars, on est obligé de commencer à fermer les écoles 2-3 jours par semaine, sans ça, il n'y aura pas toffé l'année. Remarquez qu'ils ont eu le mauvais exemple de leurs professeurs. Les professeurs, ça fait 6 ans que leur cas n'est pas réglé. Cette année, on a eu l'impression qu'il était pour faire preuve de fermeté. Les 15 000 institutrices se sont dit, on est des hommes après tout. On va débrayer. Ils ont débrayé. Mais 3 jours après, le gouvernement a passé une loi. Ils ont dit, OK, on va rentrer d'abord. On ne veut pas faire de trouble, disons. Hey, mon Dieu. Le Front commun, ça va-tu mieux? Les hôpitaux, pantoute, les hôpitaux, ils sont plus que faibles, ils sont malades. Tu rentres là, c'est plein de monde écrasé, c'est des grabots. Des corridors, remarquez qu'il y en a plus dans la rue que des corridors de ce temps-là, mais quand même. Le Front commun, comment voulez-vous que ça marche, le Front commun? Il y a des fonctionnaires là-dedans. Comment veux-tu décréter un arrêt de travail pour un fonctionnaire. Il y a un homme à commencer à travailler. C'est tellement grave, mesdames et messieurs, que je me demande si au Québec, il reste un homme ferme, capable de prendre des décisions. En tout cas, à Québec, il y en a pas. Je pense sincèrement, mesdames et messieurs, qu'il n'en reste qu'un seul dans tout le Québec. Et c'est notre maire à tous, M. Drapeau, ça sera là. Ça a l'air fin, ça. Monsieur, attendez une minute. M. Drapeau a dit on va faire le métro, il l'a fait. Il l'a fait. Il a dit on va faire l'expo, il l'a fait. Il a dit on va faire les Olympiques, que le monde aime ça, qu'il aime pas ça, il l'a fait. Hey, assomme-moi pas quand même, hey, c'est un chaud chaud. Watch ça. Monsieur Drapeau, j'espère que pour les jeunes, les Olympiques vont être un exemple. Oui, oui, oui. Un exemple de discipline. C'est pas si cher que ça, 1 milliard pour un stade. En Russie, il va coûter 3 milliards. On a encore l'air des nonos. Et grâce aux disciplines des Olympiques, nos jeunes auront un exemple à suivre, car grâce aux Olympiques, nous pourrons courir après le financement, lancer notre argent par les fenêtres, sauter la barrière du ridicule, pédaler dans la merde et nager dans les dettes. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang. Chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets. Beaux élèves, puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Et pour le temps, c'est tout à fait le temps. Et pour le temps, c'est tout à fait le temps. Comme un loup qui viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat, je me sens comme une fontaine après un long hiver, et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur et je n'ai pas eu peur. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. Même manière, et je ne sens plus ma peau me peser comme avant. Mais pour le temps, ça tu t'as vu la langue. Mais pour le temps, ça tu t'as vu la langue. Tu diras aux copains du coin que je ne reviendrai plus, mais n'en dis pas plus. Ne dis rien à Marie-Hélène, donne-lui mon chat, elle me comprendra. J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois, c'est pour toi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois comme un petit roi. Toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ ou en direct sur CFNJ.net en ce spécial Saint-Jean-Baptiste de Mélomanes où on vient encore de prendre un passage obligé mais toujours plaisant avec Le Petit Roi du fameux Jaune de Jean-Pierre Ferland en 1970 qui est considéré ni plus ni moins comme un des plus grands albums québécois de l'histoire. Rien de moins, une chanson que je dédie ce soir à un vieil ami, mon ami Louis, qui, à partir de cette semaine, commence une nouvelle vie, comme boule de gomme. Donc, j'envoie tout mon amour. Et Jean-Pierre Ferland, qui était justement à Québec, au Parc du Bois de Coulonges le 21 juin et sur le Mont-Royal le 23 juin 1976. Donc, il y a exactement 40 ans de ça pour la fête nationale qui va devenir légendaire et qu'on va immortaliser pour appeler ça une fois cinq, qui suivait un peu l'idée de la Super Franco-Fête de 74 avec Félix Vigneault et Charlebois. Donc un spectacle une fois cinq où on pouvait retrouver cette fois-ci Ferland, Charlebois, Claude Léveillé, mais aussi Vigneault qu'on a entendu avec évidemment Jean du pays que plusieurs considèrent comme l'hymne national non officiel du Québec. Donc, on ne peut pas passer à côté. Jean du pays qui a été interprété la première fois à la fête nationale, toujours sur le Mont-Royal, mais en 75. Et originellement, c'était un défi que Louise Forestier et Yvon Deschamps avaient lancé, qui était celui de remplacer la chanson qu'on chante quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. À l'époque, on chantait toujours « Happy Birthday » comme les anglophones. Et je pense que c'est mission accomplie parce qu'on se chante « Jean du pays » depuis ce temps-là, sans même se rendre compte que c'est une composition de Gilles Vigneault et de Gaston Rochon. Disons qu'on peut dire que ça a bien intégré l'inconscient collectif. Ça fait à peine 40 ans de ça. Et sinon, on parlait d'Yvon Deschamps. Eh bien, c'est lui qu'on a entendu au fameux 1x5, justement, de 76 avec son monologue « Vive les Olympiques ». Et sinon, un petit bond dans le temps, 1980 pour Offenbach avec le classique « Promenade sur Mars » qui suivait Gilles Valiquette, qu'on entend pour la deuxième fois ce soir avec, bien sûr, « Je suis cool » à cette heure de 73, qui suivait, mais là, attention, quelque chose d'assez rare, merci, le thème pour l'élection du Parti québécois en 76, composé par Stéphane Venn et qui s'appelle « Demain nous appartient ». Donc, on a été chercher ça assez loin. Une petite rareté en passant qui suivait un gros hit de 97, « Les frères à cheval », bien sûr, mon voisin qu'absolument tout le monde connaît par cœur. Et le prochain bloc, assez disparate, on commence ça avec une tranche d'histoire du Québec qui sera suivie d'un petit thème autour de la métropole qui va nous ramener à notre première chanson. Et pour la deuxième partie du bloc, on prend le chant. Donc, on reparle de tout ça après. Pour l'instant, tranche d'histoire, Dominique Michel, 1957 au 99.1, CFNJ. En veillant sur le perron, par les beaux soirs d'été, tu me disais, c'est si bon de pouvoir t'embrasser. Assis l'un contre l'autre, sans s'occuper des autres, on se faisait du plaisir en parlant d'avenir. Quand les gens de l'autre palier étaient prêts à entrer, il fallait se serrer pour les laisser passer. On était les derniers à aller se coucher, les soirs n'étaient pas longs en veillant sur le perron. Lendemain soir, tu revenais, puis on recommençait. C'était toujours nouveau et de plus en plus beau. Des fois, on s'amusait de rire des gens qui passaient, parce qu'ils ne se doutaient pas que nous deux, on était là. Puis un soir, tu m'as dit, on se mariera samedi. J'ai vite répondu oui, j'étais au paradis. Et maintenant, dans le noir, c'est notre petit garçon qu'on endort tous les soirs en veillant sur le perron. Petite fille augmentera notre famille, et puis qu'elle grandira, ce sera elle qui veillera le soir sur le perron avec un autre garçon, pendant qu'à la fenêtre on guettera sans le paraître. On sera vieux dans ce temps-là, mais on ne s'en plaindra pas. En se berçant tous les deux, on sera toujours à se parler des soirs qu'on a passés, moi fille et toi garçon, en veillant sur perron. Montréal m'attend, matin. Cherchez-moi plus à Saint-Martin, parce que demain je sacre mon camp. Si tu penses que c'est facile de même, ma soeur va m'aider. Ta soeur, elle va te caler, Louise. Et ma soeur est debout de Saint-Piédestal. Le sais-tu ce que ta soeur a été obligée de faire pour arriver au skin-là? Puis elle a toute Montréal à ses pieds, t'en vas m'aider à monter à côté d'elle. Puis laissez-la donc faire. Ça veut se casser la gueule, c'est de ses affaires. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi pire à Saint-Martin, parce que demain je sacre mon camp. Te promener en métro. Tu vas t'habiller au château. Marcher sa place à Saint-Hubert. Ou Sainte-Catherine, puis l'oratoire. Tu vas aller manger au papa. Visiter l'église Notre-Dame. Tu vas rencontrer des vedettes, puis besoin du petit canal 7. Demain matin. Tu vas bosser au canal 10. Tu vas te mettre à faire des disques. Les premières pages de Pélado. Je vais arriver avec mon trophée. Ils vont tout tomber à mes pieds. Je vais devenir une grosse vedette. Tambourée, fourrée, puis ta tête. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi puis à Saint-Martin. Parce que demain, sacre mon camp. En ville, en ville. Vous me reverrez jamais ici. La tête, ça va changer. Elle va devenir un gros mythe. Puis tout Saint-Martin va baver. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi plus. D'être amoureux à Montréal. Le ciel est bas, la terre est grise. Le fleuve est sale. Le Mont-Royal est mal à l'aise. Y a l'air de trop. Westmount le tient serré dans un étau. Y a des quartiers où le monde veille sur le perron. Y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson. Dans ces bouts-là, les jeunes se tiennent au fond des cours. Ils prennent un coke, ils prennent une bière, ils font l'amour. Il y avait un arbre tous les 20 pieds. Ça fait 20 ans depuis ce temps-là. Ils ont coupé. Ma première blonde, je l'ai rencontrée dans un hangar. On jouait à guerre, elle était espionne. Moi j'étais mort. Assis ces marches de l'escalier du restaurant, j'ai dépensé une bonne partie de mes 15 ans. Avec mon chum Tigil, avec le grand Pocket, on agaçait les filles, puis on s'appelait Tapette. J'ai eu de la peine, j'ai ben broyé. J'ai cru mourir quand ma Mireille a m'a laissé. Elle m'avait dit qu'un jour peut-être elle m'appellerait quand ses parents seraient partis pour le chalet. Puis c'est arrivé, il fallait bien qu'un jour ça vienne, un soir de pluie au coin de Beaubien, puis la neuvième. Des fois j'y repense, je revois la fille, puis là je me dis, c'était sans doute le plus beau jour de toute ma vie. À Montréal, je suis en amour. Je t'aime comme un fou, puis je vais t'aimer, t'aimer toujours. Je te compte tout ça, écoute-moi bien pendant que ça me pogne, assis au pied des arbres du bois de Boulogne. Catherine Gignac, voici les informations de la presse canadienne. Le premier ministre Justin Trudeau s'est félicité de ses premiers mois au pouvoir, même si les partis d'opposition lui ont reproché de consulter beaucoup et d'en faire bien peu. M. Trudeau a insisté sur les changements des taux d'imposition, sur la création d'une nouvelle allocation pour les familles, ainsi que sur l'entente avec la plupart des provinces sur le régime de pension du Canada. Pour le reste, il a affirmé avoir invité ses ministres à faire preuve de patience. On a quand même 4 ans dans un mandat et qu'il ne faut pas tout accomplir ou s'attendre à tout accomplir dans les premiers mois. Ottawa a adopté un décret pour protéger l'habitat d'une petite grenouille. Le résultat est qu'une partie d'un développement domiciliaire de la prairie ne pourra pas se faire. Marc Dionne, qui est biologiste au ministère de l'Environnement et du Changement climatique, rappelle que la biodiversité est nécessaire pour le bien-être des humains. Il parle aussi de l'utilité particulière de la rainette faux-grillon. La rainette peut jouer un rôle sur le contrôle d'insectes piqueurs et les milieux humides dans lesquels elle vit apportent également des services comme par exemple le stockage du carbone mais également la filtration de l'eau. L'homme d'affaires Ronald Weinberg a été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour une fraude de 120 millions de dollars en lien avec le détournement de fonds de Cynar, une entreprise qu'il avait fondée. Son avocate Annie Aymon, qui avait suggéré une peine de 5 ans, indique qu'il est trop tôt pour décider d'aller en appel ou non. C'est quelque chose qui avait été demandé par la Couronne, le maximum, donc on peut toujours s'attendre à ce que le maximum soit imposé et ça n'a pas été fait. Alors, il y aura certaines analyses, là, comme je vous dis, qui devront être faites, là, certains critères, qu'est-ce qui a été plaidé, qu'est-ce qui a été retenu par le juge, est-ce que ça pourrait être des choses qui pourraient être considérées par la Cour d'appel en réduction ou non d'une sentence, on verra.

ici, ça fait que moi, je rappe avec le monde, Shirley. Tout le monde vient me parler, ça fait que moi, je rappe comme les Noirs de New York. Y'a une autre fille qui vient me dire, ça me provoque, je m'en vais du rap. J'ai dit, tu devras faire comme Shirley, écouter du rap, ça va te calmer. Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Billy, le rap à Billy, le rap à qui, le rap à quoi, le rap à Billy, le rap à Billy, le rap à qui, le rap à quoi, le rap à Billy, le rap à Billy, le rap à qui, le rap à quoi, le rap à Billy, le rap à Billy, le rap à qui. Des rayures rouges comme le sang des génocides, 50 étoiles, une pour chacun de nos vices. Des rayures blanches comme la neige qui recouvre les tombes. Mon empire va s'étendre jusqu'au bout du monde. Je prie le sauveur des hommes pour protéger mes proches. Après que j'ai chargé mon gun puis que j'ai barré mes portes. Depuis que je suis jeune, que l'école c'est ça qui est important. Étudie pour avoir des bonnes notes, puis sois pas insolent. Dès l'âge de 13 ans, je savais que je voulais devenir un comédien. J'étais un petit con qui connaît rien, j'ai drop avant d'être collégien. Alcool et drogue qui rentrent des veines, des soirées, j'en ai connu plein. La fille t'a connaît bien, tu te protèges pas, tu te soucies pas de l'hygiène. Mais la cigogne à cogne, la fille s'imagine pas donner le sein. Elle avorte aussitôt qu'elle apprend qu'elle est en train de porter le tien. C'est là que tu tombes, pas un nom, c'est pas de diplôme, job de plomb. Sorry, mais t'es pas toujours gagnant quand tu récoltes le bronze. Envie de get on hustle on le fire, ça prend 3 secondes. Le commis du coup je t'enverrai fuck off si je sortais le tronc. Je me suis fait dire depuis que je suis jeune que l'argent c'est ça qui est important. Est-ce que tu veux ta vie tant que ton compte de banque est bien portant. Ma mère a fait son mieux, s'est sacrifiée jusqu'à la chair pour m'élever bien. Mais j'ai été élevé par le rêve américain. La fresque est fausse, la fresque est monstre. On chantera ses louanges jusqu'à l'infini. Pourvu que le Dieu moqueur se montre. Les odeurs de ce grand mot pourri. Et puis s'étendra sur des kilomètres. Les couleurs de guerre et les auréoles. God we trust, for God we shop. Yo, pour me déplacer, je voulais des Vans à l'époque. Maintenant, ce que je veux, c'est une Benz ou une Porsche. Plein de crème dans les poches. Avant, je te ferais une coupe de scène pour une clope. Maintenant, je fume plus, mais je bois la fin de semaine dans les clubs. C'est pas d'hier que je consomme. Prendre une bière comme un homme, ça a l'air que c'est fun. Surtout quand t'as la tête dans les chiottes. On a des rêves de tout poche. Une wife qui a l'air d'une escorte. Hollywood life, en dessous des bright lights et des spots. L'Amérique obèse t'éloigne du mal-être de l'époque. On veut tellement être big, tout est tellement over the top. Super size ta frite, super size ton knife, super size ton fric, super size ton dick, fuzzy kid, super size your life. Un peuple qui est enterré en dessous du 9 to 5. La droite, la gauche qui massacre la fond de terre et mer. Tout est cool quand j'ai la face dans mon cell phone. Sur ma tombe, l'épitaphe ce sera un M jaune. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà enfin au large. Radon chaviré, la marée haute. Perdu dans ton regard. Temps perdu à craindre l'étreinte. À éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent par tes mains. Les mots d'amour deviennent sereins. Renouveau et découverte, j'apprivoise ta tendresse. Je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en ce temps. Me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre l'étreinte. fait la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains. Les mots d'amour deviennent si simples. La tête en gigue au 99.1 CFNJ en plein spécial Saint-Jean de Mélomane ce soir qui prend fin sous peu. Donc, Jim et Bertrand avec la pièce titre de leur album de 76. Jim Corcoran qu'on entend pour la deuxième fois ce soir. On l'avait entendu en solo tantôt. Et sinon, complètement ailleurs avec Corias en compagnie de Safia Nolin, qui a connu un bon succès respectable. Dernièrement, Corias de Saint-Eustache avec Américain de 2013, qui suivait le succès souvenir Je m'en souviens de French Bee, sorti en mini-album en 1990 et 91 en album. Personnellement, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. On a aussi entendu, bien sûr, le rap à Billy de Lucien Francoeur en 83. Et sinon, notre petit bloc Montréal avec Beau Dommage. Ça fait longtemps de ça, on est de l'autre côté des nouvelles. Je vous le donne en mille parce que oui, ce soir, on a continué un petit peu plus tard. On a busté un peu, comme on dit. Donc, je vous le donne en mille, Beau Dommage, Montréal de 1974. Très belle chanson qu'on entend en moins souvent. Et qui nous parle, entre autres, de la chanson « Sur le perron ». Il y a des quartiers où le monde veille sur le perron. Il y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson. D'ailleurs, Beau Dommage, qui se sont excusés pas longtemps après d'avoir dit un bonhomme, parce que c'est une femme qui l'a composé. Camille Andrea, en fait, qui est décédée en 2002. Et sa chanson, à elle, on l'a entendue en veillant sur le perron, interprétée par nul autre que Dominique Michel en 1957, qui commençait tout ce long bloc qu'on vient de terminer. Et entre ça et Beau Dommage, on a entendu la pièce titre de la comédie musicale Demain matin, Montréal matin, signée Michel Tremblay et François Dompierre, le tout interprété par Louise Forestier. Donc, on ne peut pas faire plus québécois. Michel Tremblay, qui, faut-il le rappeler, et celui qui a libéralisé le joual dans les arts au Québec au même titre et à peu près au même moment que Charlebois. Ça mérite qu'on s'en rappelle. Donc, c'est pas mal là-dessus que se termine notre fameux spécial Saint-Jean-Baptiste. J'espère que vous avez eu du plaisir et que vous avez découvert ou redécouvert des artistes. Écoutez, on se revoit la semaine prochaine, mercredi, 21h, toujours au même poste, en vous souhaitant une excellente semaine. Je vous laisse avec un dernier bloc, en fait, deux dernières chansons qui vont venir boucler la boucle, deux chansons de 75. On commence ça avec nul autre que Ginette sur la colline en 1975 au 99.1 CFNJ. Un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras et tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, je le sais, ta main. Tends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un peu Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est bon. C'est bon. Ici, tu vois. t'arrêtes à moi. L'autre est en calvaire, et calvaire, on va s'enterrer.